Voilà, ça c'est le problème des gens qui diffusent, mais avant de le problème des gens qui diffusent, après il y a l'imbécile qui a mis cette poire. C'est un gamin, je te le répète, qui a 19 ans, qui est connu des commissions de discipline. Il va à la commission de discipline de la FFR à 19 ans, un petit peu comme s'il allait à la maison toutes les semaines. C'est un mec qui est rentré d'une suspension de 4 matchs. Peut-être qu'il va falloir penser très fort à bannir l'ensemble de ces imbéciles. Il n'y a pas d'autre mot. Si, il y a un autre mot, mais que je vais éviter de prononcer à l'antenne. Il y a plein d'autres mots pour définir ces mecs-là. Mais ces mecs-là sont des petits cons, voilà, ben je l'ai dit. J'espère en fait que ce gamin va prendre cher, mais très cher. C'est au minimum une suspension à vie. Et j'espère aussi qu'il va être interdit de séjour dans l'ensemble des fédérations sportives de France. Voilà, parce que ces gamins-là, c'est des nuisibles, c'est des mecs qui sont ingérables. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a que 19 ans, quoi. Donc, ça laisse augurer de belles journées si on ne le sanctionne pas très fort dès maintenant. Et je pense qu'il devrait choisir un autre sport. Il y a bien de sports de combat qui peuvent l'intéresser au lieu de venir. C'est vrai, je pense qu'il est plus facile pour ce gamin de filer une poire à Benjamin Cassi, qui était un mec formidable, un arbitre formidable, droit comme lui, plutôt que d'aller sur un ring essayer de filer des poires au Bruscodrome, par exemple. Après, ce gamin-là, il a choisi la facilité. On va pas faire des caisses là-dessus. Je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui m'a profondément choqué. Je connais Benjamin Cassi. C'est un arbitre, encore une fois, c'est pas un con, c'est pas un arbitre pourri. Et c'est un mec, de manière générale, on respecte le corps arbitral. Je suis bien placé pour le dire parce que Dieu sait si je leur ai beaucoup parlé, Dieu sait si je les ai beaucoup emmerdés. Jamais de la vie, je n'ai insulté un arbitre. Jamais de la vie, j'ai eu l'idée simplement de le bousculer. Pour moi, c'est juste inconcevable. Et en plus, de ternir une image comme ça, du rugby à 13, parce que souvent, on connaît l'histoire du passé qui était... On trimballe, Fred, malheureusement, on trimballe les événements de mai 81, je suppose que c'est de ça que tu veux parler. Ouais, exactement. De cette fameuse finale qui avait duré 3 minutes, qui était diffusée à la télévision, et dont on ne s'est jamais remis, pour plein de raisons. Parce qu'on n'a pas été bon, nous, trésistes, on n'a pas su communiquer là-dessus. Et puis, effectivement, on ne s'est jamais remis de cette mauvaise image. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu la finale de 89, je t'en parle parce que j'y étais, celle opposant le Comté à Saint-Estève, où l'actuel président de la Fédé était impliqué aussi dans quelques violences. Mais effectivement, régulièrement, on revient à la une de l'actualité avec des gestes comme ça, et c'est quelque chose d'impardonnable, même si ça se fait beaucoup à 15 aussi, mais à 15 on a le droit parce que c'est plus médiatique, et puis ça c'est vite enterré, alors qu'à 13 effectivement, eh bien, il y a eu trois trucs en 40 ans et on en parle toujours comme si c'était les événements marquant de la Fédé, alors qu'il y a eu plein de belles choses depuis. N'oublie pas que ce sport, le rugby à 13, est très aéré au niveau du jeu et est très, limpide par rapport au rugby qui est un petit peu brouillon, il y a des regroupements, il peut partir une ou deux poires, c'est plutôt agressif. Le rugby, excuse-moi d'employer ce mot, le rugby à 13, c'est un rugby champagne où c'est que si on met un coup de poing, tout le monde le voit. Tu connais la passion, Fred, pour le rugby, le rugby en général, le 13 et le 15, mais effectivement, au rugby à 13, c'est un sport qui mériterait d'être connu, c'est un sport qui mériterait d'être médiatisé, mais malheureusement, avec des mecs comme ce gamin-là de Saint-Estève, c'est un acte isolé, entendons-nous bien. Le club n'est pas en cause, le sport n'est pas en cause, c'est un acte isolé, mais c'est un acte qui ternit, encore une fois, le boulot qu'a pu faire Marc Palanque depuis un an maintenant qu'il est à la tête de la Fédé, pas tout à fait. Mais depuis quelques jours, on ne parle plus que de ça malheureusement, et on oublie du coup de parler de cette finale qui arrive. Donc on va en profiter pour Attends, en parler. Juste avant de te laisser la parole, il y a Didier Bougon qui insiste puisqu'il est en direct de Saint-Pétersbourg pour venir parler. Non, non, c'est vrai que Jean-Yves, comme tu viens de le résumer, moi j'ai vu les images hier sur Stade 2 où tout le monde a été choqué, oui, moi le premier, et ils l'ont les bien images, dit. Les images sur Stade 2, ils ont passé. Didier, tu pointes là un truc, tu pointes là, tu vois, je ne savais pas que c'était sur Stade 2, ouais. Tu pointes là le problème principal du rugby à 13 depuis 40 ans, ouais, c'est que les gens de Stade 2 sont des blaireaux qui n'ont pas passé une image de rugby à 13 depuis... Et là, ils passent des images comme ça. Et là, ils passent cette et image. Et là, bien sûr, ouais, voilà. On passe c'est l'image scandaleux. De ce mec qui a filé une poire. C'est scandaleux. Bah, simplement bon, scandaleux. Je vais te rassurer. On voit bien que c'est un axe isolé de la manière que ça s'est passé. On le voit très bien. Ensuite, ça part carrément plus ou moins en live. Mais ils l'ont bien dit, le garçon... Ça part absolument pas en live. Encore une fois, j'ai eu cet arbitre que je connais. Hein. J'ai discuté avec lui longuement. Ça part pas vraiment en live. C'est simplement que les mecs essaient de séparer. Ouais. Encore une fois, si tu veux qu'on parle de quelque chose qui part en live, on peut parler de la bagarre entre Bédari et Nice il y a un mois. C'est parti en live parce que ça a bousculé. Là, honnêtement, entre cette DCV et Toulouse, ça n'a pas bousculé. Hein. Ouais. Mais par contre, effectivement, ça fait la une à Stade 2. Voilà, ouais. C'est de toute façon, ils l'ont bien dit hein, que le garçon, il allait être radié à vie. Hein, parce que vu là comment il est donné, l'arbitre ne voit rien arriver. D'une, il ne peut pas se protéger. Dans l'état qu'il était par terre, on se pose des questions. On se dit, mince, est-ce qu'ils vont le réanimer ou quoi? Parce que c'est vraiment choquant. Il a été secoué. Il l'a prise. Il est content de s'en sortir avec zéro séquelle. Les seules séquelles qu'il a, ben, c'est des séquelles psychologiques, parce que prendre une poire comme ça, ça te marque. Et ça te marque d'autant plus que tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour, faire du bien, tu es là pour exercer ta passion, tu es là pour arbitrer un match de junior. On ne parle même pas de... Mmh. Tu vois et une demi-finale de Coupe de France. Mmh. Donc... Ouais, je reviens à ce que tu dis, parce qu'il y a quelque chose qui me choque dans tout ça, hein, c'est de passer des images comme ça, quoi. Et encore, on signale bien que c'est du rugby à 13. On signale bien que c'est du rugby à 13. Alors, pour la petite histoire, peut-être que vous ne vous souvenez pas de tout ça, mais c'est déjà à l'époque Stade 2 qui avait propagé cet immense bordel qu'il y avait eu après la finale de 81. Déjà ils étaient aux commandes et à la manœuvre pour terminer l'image du rugby à 13. À l'époque c'était Chapat qui était aux commandes de ça. Les temps ont changé, les personnes ont changé, mais les mentalités restent les mêmes. Et malheureusement pour nous, c'est de temps en temps, on donne le flanc pour se faire battre, on file le bâton pour se faire battre. Voilà, ça devrait pas arriver, on ne devrait même pas en parler. Là, j'en parle ce soir parce que c'est vraiment un coup de gueule que je voulais balancer. Et surtout pour dire que le rugby à 13, ben, finalement, c'est pas ça. Le rugby à 13, si vous voulez voir du rugby à 13, c'est ce qui va se passer ce dimanche au Parc des Sports. Alors, on va passer la page pub, juste pour fermer ce dossier, et on ouvre le dossier magnifique que tu vas nous décrire dans quelques minutes pour ce fameux week-end qui va se dérouler au Parc des Sports d'Avignon, et j'espère que vous y serez.